L'Alliance internationale contre les crimes anti-humains en Corée du Nord dénature gravement la réalité de notre pays sous un objectif politique malsain. À ce propos, le porte-parole de l'Association coréenne d'études des droits de l'homme a répondu le 30 juin aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée. En voici le résumé. Ces jours-ci, l'Alliance internationale contre les crimes anti-humains en Corée du Nord, formation démagogique contre notre république autour des droits de l'homme, a poussé un de ses membres pour prétendre que la station de ski de Massignon a importé la plupart de ses équipements en violation des sanctions de l'ONU, qu'elle utilise la main-d'œuvre d'esclaves infantiles à sa gestion et qu'une trentaine de jeunes sont morts dans un accident d'autobus en route vers la station de ski. C'est d'un bout à l'autre une démagogie. Ces purs mensonges lancés au Comité olympique international et à la communauté internationale sont une lâcheté intolérable. Comme dans nombreux pays, la station de ski de Massignon est popularisée et ses équipements sont à l'usage de tout le peuple. Donc, si ces appareils de ski sont importés en violation des sanctions de l'ONU, les embargos onusiens constituent un crime anti-humain ultra-géant visant à empêcher l'amélioration de la santé et la vie civilisée de la population.